Okay, nous sommes en train de voir ce matin, on continue. C'est la suite d'il y a 2 semaines. Et puis, on va continuer aussi dans 2 semaines. Alors, c'est la suite d'une série que j'appelle Célébration des moyens de grâce ou de discipline, en lien avec ce que les chrétiens appellent communément le combat spirituel. Hein? Il y a 2 semaines, je vous ai mis dans le contexte de pourquoi que j'avais pensé apporter cette série de réflexions dans le contexte de que parfois on pense que certaines situations dans nos vies, c'est des choses extérieures, on parle de... là, je donnais l'exemple d'un jeune homme qui pensait que les problèmes de tentation qu'il avait étaient dus au fait qu'il était oppressé par des démons ou whatever, puis là, qui voulait qu'on l'exorcise, et puis, etc. Et puis, j'ai partagé avec lui finalement certaines de ces. De ces réflexions que je partage avec vous, que Dieu nous donne des moyens de grâce dans le combat spirituel. Que parfois on cherche au loin ou à l'extérieur ce qui est proche, ce qui est en nous. Et Dieu nous a donné des moyens de grâce pour justement arriver à imager Dieu dans nos vies, hein, de façon significative. En fait, on a vu que les moyens de grâce sont des institutions ordonnées par Dieu par lesquelles nous devenons récipiendaires de la grâce de Dieu. On a vu que dans l'Église peut-être romaine, on les appelle des sacrements. Les protestants ont préféré le terme « les moyens de grâce ». Ce sont des gestes que nous posons. Et que dans l'action de ce geste, alors que je pose le geste, Dieu communique une grâce, une capacité, il y a un déclic parfois qui se fait, qui se produit, et puis ça peut être par exemple par le moyen de la grâce, de la parole, en disant la parole, il y a un déclic qui se fait. Dieu nous communique une grâce. On a parlé aussi de discipline. On fait référence à l'ouvrage de Richard Foster, Celebration of Discipline. La célébration des disciplines qui contribuent à un apprentissage. Des disciplines qui nous aident à mieux apprendre de Jésus, à devenir image de Dieu. Alors, nous avons considéré qu'il y a 2 façons de voir la discipline. Parce que mercredi soir, là, on a parlé de discipline. Anne, tu n'étais pas là. Et lorsqu'on parlait de discipline, par exemple, de la méditation, hein, qu'on a déjà parlé, puis là, il y avait une réaction que on n'aime pas le mot discipline. Hein, ça nous fait rechigner, on régime la discipline. Alors, je partageais qu'il y a 2 façons de voir la discipline. On peut la voir comme une ou des exigences imposées par Pierre Jean-Jacques, par une institution religieuse, par la société, par la pression des pères. Hein? Donc, des exigences de l'extérieur, on nous impose quelque chose. Et c'est à ça, je pense, qu'on rechigne, que... On n'aime pas que quelqu'un nous impose quelque chose. Comme on peut voir aussi la discipline comme étant une contrainte, une ou des contraintes volontaires qu'on s'impose en vue d'un objectif à atteindre. Là, on pense aux athlètes, hein, aux Olympiens, on pense aux musiciens, on pense à, hein, même par rapport à ceux qui étudient en vue d'avoir un bon travail. Et puis qui vont s'imposer des heures d'études, une discipline d'études, en vue de parvenir à un objectif. Donc, on a vu que la discipline peut être quelque chose de positif, puis qu'on peut... Tu sais, c'est peut-être bon pour nous de faire un changement dans notre façon de voir le mot « discipline ». Stephen Covey, que j'ai déjà cité, qui est un motivateur, un formateur qui conseille les 100 parmi les plus grandes compagnies au monde. D'ailleurs, c'est un croyant mormon, engagé. Ses ouvrages, par contre, s'adressent à Monsieur Tout-le-Monde. Il a écrit un livre, entre autres, intitulé « 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ». Aimeriez-vous réaliser tout ce que vous entreprenez? D'ailleurs, c'est un très bon livre à lire. Hein? Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Ben, Stephen Covey arrive à la conclusion, comme d'autres aussi sont arrivés aux mêmes conclusions, puis ont écrit d'autres livres. Mais il arrive à la conclusion que ceux qui réussissent constamment, pas seulement une fois, mais que dans toute leur vie, ils réussissent ce qu'ils entreprennent, c'est que ces gens-là ont adopté des habitudes universelles ou des principes universels qui deviennent des habitudes, dont une discipline. Des gens qui se sont disciplinés. Alors, il y a 2 semaines, on a vu les 2 premiers moyens de grâce. On a vu le baptême. Même si c'est le premier alors que nous entrons dans la communauté, l'engagement de foi que nous faisons face à Dieu, donc le moyen de grâce du baptême. Puis on a vu aussi l'Eucharistie. D'ailleurs, on a participé à la table du Seigneur ensemble. Ce matin, nous allons voir une troisième discipline qui est l'Église. L'Église comme moyen de grâce que Dieu nous donne dans notre apprentissage, dans notre combat de la vie, et peu importe à quel niveau se situe ce combat-là. Hein. Ça peut être le combat personnel par rapport à des habitudes qu'on veut se défaire. Ça peut être par rapport aux épreuves, aux tentations, la maladie. Hein. Mais Dieu nous donne le moyen de grâce de l'Église afin de nous assister. On pourrait dire que tout croyant devrait s'associer à une communauté chrétienne. C'est le désir de Dieu. Que chaque croyant, chaque personne qui s'engage dans le projet de Dieu, s'engage à vouloir vivre le royaume de Dieu, devrait s'engager dans une communauté chrétienne. Je sais que je parle à des gens convaincus, vous êtes là. Hein? Mais c'est bon de se le rappeler. Puis on va voir alors qu'on est, on est à l'heure de faire un exercice pour se définir aussi comme communauté. Alors, il y a des points peut-être qu'on va faire ressortir qui vont être importants pour nous aider dans notre réflexion de quel genre de communauté nous voulons être. Il y a certains points que je vais relever, qu'on a déjà touchés, lorsque j'ai parlé de la communauté, est-ce que la communauté est un musée ou un atelier? Est-ce que la communauté est un musée où on accroche les beaux tableaux, puis hein, tout est propre, et puis... ou est-ce que c'est un atelier de travail, ou est-ce que c'est sale, il y a de la poussière partout, parce qu'on travaille, hein? Puis donc, certaines choses que je vais relever ce matin, j'ai déjà mentionné dans le cadre de cette réflexion que j'avais apportée au tout début lorsque je vous accompagnais dans la communauté. Alors, quelqu'un a dit qu'un chrétien qui ne fréquente pas une assemblée est un chrétien seul et Dieu ne nous a pas conçu, c'est une expression anglaise, God has not wired us. On a le filage, on pense, hein, au filage d'une maison, d'un édifice, on pense à notre cerveau, hein, qui est hein, plein de nerfs. Dieu ne nous a pas conçus, ne nous a pas filés pour qu'on vive isolé des autres, mais qu'on soit en communauté. Donc, nous allons voir une première définition de la communauté. Et c'est une définition que j'ai entendue il y a quelques années, d'ailleurs, c'était en 98. Alors que parfois, j'allais à l'église anglicane, Christchurch, service Sainte-Catherine, et puis, comme j'ai déjà dit, des fois j'aime ça, aller puiser dans le liturgique. Un dimanche matin, il parlait justement sur la communauté, sur l'Église. Puis il disait ceci, je trouvais que c'est une belle citation. « La communauté chrétienne, c'est des gens, adultes et enfants, réunis autour du Christ ressuscité, en voie de comprendre, de proclamer et de vivre dans le royaume de Dieu. » Moi, j'aime ça. Ce sont des gens qui sont en voie de comprendre. On n'a pas tout compris. Je sais qu'il y a des gens qui pensent avoir tout compris. Mais on n'a pas tout compris. Donc, on est en voie de comprendre, de proclamer le fait qu'on se réunit en communauté, on est déjà une proclamation. On est déjà une évangélisation. Peut-être c'est plus remarquable en banlieue. Là, c'est les gens avec leur famille, leur petite famille, ils montent dans l'auto tous les dimanches matin à la même heure, puis s'en vont à l'église, voient la messe. Puis les voisins disent, « Mais où est-ce que tu vas tous les dimanches matin à 9h30? Hein? Ben, je m'en vais à l'église. »« Ah, tu vas à l'église, toi? Hein? » Donc, c'est peut-être plus remarquable en banlieue. À Montréal, il y a tellement de vas-et-viens, peut-être on remarque moins nos déplacements. Peut-être que mes voisins voient mon déplacement dans mon bloc. Hein? Mais déjà là, on proclame, on est en train de proclamer notre foi par le fait qu'on a adopté une habitude. Quelqu'un va dire, j'ai souvent entendu ça, ben, c'est pas bon de faire les choses par habitude. Il y a des habitudes qui sont bonnes. Il y a des habitudes qu'on développe par suite d'un principe auquel on adhère. Une discipline. Comme l'athlète qui va le matin se lever à la même heure, les mêmes jours pour aller s'entraîner. Cette discipline devient une habitude pour lui. On l'a mentionné même il y a deux semaines. Comment que lorsqu'on s'entraîne et on fait du sport, comment que ça nous manque lorsque on déroge à notre habitude. Notre corps vient, il en veut. Donc, il y a un bon côté aux habitudes qu'on prend. Puis de vivre dans le royaume de Dieu. Alors, l'Église, c'est le rassemblement avec les autres croyants dans un esprit de partage de la foi. Et non de contrainte ou d'examen. Dans combien de milieux, parfois, aller à l'église le dimanche matin peut ne pas être trop réjouissant, parce que c'est un temps où on nous demande de s'examiner soi-même, et puis on passe un examen, et puis les sermons vont dans le sens de « t'es pas assez bon, t'es pas, hein, t'as pas fait assez de ceci, t'as pas fait assez de cela, tati, tatata », et puis on sort de l'église toute démoralisée. Est-ce que j'ai besoin de ça un dimanche matin, de me faire dire que je suis pas bon, puis pas assez bon, je prie pas assez, je lis pas assez, etc. On vient au contraire pour partager de la foi, et pas par contrainte ou par esprit d'examen. Je dirais que, j'utilise souvent l'expression que l'Église n'est pas une PME. Dans beaucoup, et peut-être même dans ces dernières années, on a vu ça aux États-Unis, surtout en Occident. Mais malheureusement, ce n'est pas tout ce qui est bon qui est exporté, il y a aussi du mauvais. Et on a exporté en Amérique du Sud, on a exporté en Afrique aussi, cette conception de l'Église comme PME. L'Église qui doit à tout prix grandir, devenir 100, 1000, 2000, 20 000, celui qui aurait la plus grande Église, et puis, hein, la PME, hein, le payroll, puis mail, ça marche par là, hein, puis ça a plein d'activités. Ouais. Personnellement, je me sens mal à l'aise avec cette conception de l'Église comme une PME. J'adhère davantage à ce que Maurice Trait dit dans un de ses livres, dans sa théologie pratique. Maurice Trait, qui est une référence évangélique dans la francophonie, Maurice Trait va dire ceci par rapport à l'Église. Il y a deux diapos. Il va dire, l'Église n'a pas de distance propre. C'est pas une PME. Ce n'est pas une corporation. Même si on doit s'incorporer face au gouvernement, à la base, ce n'est pas une corporation. L'Église n'a pas de distance propre. Elle est la manifestation du dynamisme par lequel Dieu la crée et la maintient. Elle doit son être et sa durée à la seule fidélité de Dieu. Elle est le Christ en action. Elle est un miracle, un événement quotidien bien au-delà de tout ce qu'il institue dans l'ordre temporel. Je n'ai même pas à mettre l'effort de maintenir l'Église. C'est institué par-dessus, c'est une dynamique de Dieu, auquel je participe, nous participons. C'est donc la grâce renouvelée du Seigneur qui entraîne l'Église dans le mouvement de l'Esprit-Saint, qui la crée et la sanctifie. En ce sens, elle est toujours un miracle, et là j'ai souligné, hein, c'est moi qui souligne, et non une succession à elle-même. On n'est pas en train de se succéder à soi-même. Mais il y a toujours un miracle. On est ici ce matin. C'est un miracle que vous êtes encore là. Après tout, mes péripéties puis les aléas de la vie, c'est un miracle que je suis encore un disciple de Jésus-Christ qui appartient encore à une communauté. Je partageais avec Michel justement hier. Par rapport à des choses semblables à ça, puis c'est un miracle que je sois encore là. C'est un miracle que vous soyez là. C'est un miracle que cette communauté, qui a une histoire, qui a un historique, avant d'être une église de l'Union baptiste francophone, ça a été une église anglophone, baptiste aussi, je pense, d'après les papiers que j'ai vus. Il y a un historique. Par rapport à la communauté, au bâtiment, mais la communauté aussi. Certains d'entre vous êtes là depuis combien d'années, Michel, disait? Là, t'es pas. 25, 27 ans. OK? Puis, comme, hein, vous en avez vu de toutes les couleurs. Hein? Il y avait des belles couleurs aussi. Hein? Puis ça prend du noir pour faire du bleu, puis etc. Donc, c'est un miracle que vous soyez encore là. Dietrich Bonhoeffer. On connaît Dietrich Bonhoeffer, hein, le pasteur luthérien, théologien, écrivain, puis un résistant, hein, au nazisme. Voici ce qu'il a à dire par rapport à la communauté. La fraternité chrétienne n'est pas un idéal à réaliser, mais une réalité créée par Dieu en Christ, à laquelle il nous est permis d'avoir part. J'aime ça. J'aime ça. L'Église n'est pas créée par les hommes. Elle est créée par Dieu. C'est Dieu qui nous donne le cadeau. Dieu nous fait le don de la communauté. Quelqu'un rendait grâce ce matin, remerciant Dieu pour la fraternité, l'amitié dans la communauté. C'est un don, c'est un cadeau C'est ça. C'était pour déraper, là, mais. C'est dans la mesure où nous apprendrons à reconnaître que Jésus est vraiment le fondement, le moteur et la promesse de notre communauté dans son ensemble, que nous pourrons apprendre à penser à elle, à prier et espérer pour elle avec sérénité. Si on pense que l'Église est une confection des hommes, une corporation simplement physique, on va tendre parfois à être pas mal frustré et puis à critiquer, puis à. Mais si on la voit comme le don, comme le cadeau de Dieu, alors, dans tout ce bon enfant, dit, c'est seulement en ce moment-là, c'est seulement au moment où nous apprenons à reconnaître que Jésus est vraiment le fondement de la communauté, le moteur de la promesse, c'est seulement en ce moment-là que je vais être capable de penser à elle positivement, à prier et à espérer pour elle avec sérénité. Allons un peu plus loin dans la définition de la communauté, parce que, évidemment, je le dis là, toujours en fonction que certaines personnes sont là maintenant dans la communauté qui n'étaient pas là lorsque j'avais parlé de la communauté comme étant soit un musée ou un atelier. Et lors de ce partage, on a parlé donc de trouver une définition de qu'est-ce que c'est l'Église, finalement. Et j'avais fait l'exercice d'adapter une confession de foi, enfin, une définition plutôt, excusez, une définition de l'Église à partir de l'énoncé de mission des AA. On connaît les alcooliques anonymes, leur devise, mais ils ont aussi un énoncé de mission. Je vais vous lire l'énoncé de mission des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association d'hommes et de femmes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. On devrait adopter ça, hein? Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. C'est beau, hein? Puis quand j'avais lu cet énoncé de mission d'AA, je m'étais dit, mais, c'est la définition de l'Église, ça. L'Église devrait être ça. Ah, tu l'as déjà mis. T'as vendu mon punch. L'Église, ben, ça c'est mon adaptation. Elle est à retravailler, on peut ajouter. C'est pour ça que j'ai laissé trois petits points à la fin. Comme quoi, on peut ajouter d'autres éléments. Mais que j'adaptais donc de la façon suivante. L'Église est une association d'hommes et de femmes. Il faudrait peut-être ajouter jeunes gens, jeunes filles, enfants. Hein? Mais l'Église est une association d'hommes et de femmes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but d'être transformés et de devenir des agents de transformation pour le monde et la création. Le désir d'apprendre de Jésus à imager Dieu est la seule condition pour devenir membre de l'Église. L'Église ne demande ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contribution, la petite boîte. Hein? Et là, trois petits points. Il n'y a pas. On ne cherche pas la discorde. On pourrait ajouter ça. Moi, j'ai bien aimé. On ne cherche pas la controverse. Hein? On pourrait ajouter ça, là. Mais je me suis dit, voilà une définition. Une belle définition de ce que l'Église est. Des hommes et des femmes qui partagent leur expérience, leur force et leur espoir dans le but d'être transformés puis d'être des agents de transformation. Hein? Puis la seule condition, c'est le désir d'être un disciple de Jésus. C'est tout. C'est même pas d'être un chrétien. Le mot chrétien est hypothéqué hein, par tellement de choses. À la base, on veut être des disciples, des gens qui apprennent de Jésus à être image de Dieu. On va faire vite. OK. Les buts et les valeurs de la communauté chrétienne. Un des buts de la communauté, c'est d'être un signe, une confession. La communauté est un signe. Ensemble, collectivement, on devient la présence du royaume de Dieu, un signe de la présence de Dieu. J'aime le livre de Jacques Ellul, à un moment donné, il va écrire un livre, Présence au monde moderne. Présence au monde moderne. L'Église, c'est ça. C'est la présence de Dieu au monde. Présence de Dieu dans cette communauté de Chalet de Maisonneuve. Je pense aussi que un des buts, c'est de se souvenir. On se souvient de qui on est. Lorsqu'on vient ensemble, on parlait de focusser. Se recentrer. Je pensais à la chanson de Kevin Parent. Belle chanson que j'aime. Sa chanson « Fréquenter l'oubli ». Vous connaissez, hein? « Fréquenter l'oubli ». L'Église, c'est fréquenter le souvenir. Hein? C'est pas fréquenter l'oubli. Mais venir appartenir à une communauté, puis se joindre, et puis participer à la communauté, c'est fréquenter le souvenir. On se souvient. C'est l'appartenance, la famille. Certains vont parler qu'un des buts de la communauté, c'est de se rendre redevable les uns des autres. J'aime moins le mot redevable. Je dirais plus, c'est de trouver des vis-à-vis. Hein? Des gens avec qui je rentre en conversation, je rentre en dialogue, et qui deviennent donc une résonance. Hein? Ils peuvent avoir une discussion, ils peuvent aussi me remettre en question. Hein? Être mis en question, ce n'est pas nécessairement avoir des comptes à rendre à quelqu'un. Hein? Je mentionnais justement il y a deux semaines quelqu'un qui ne voulait pas fréquenter une église chrétienne parce qu'il ne voulait pas avoir de comptes à rendre. La conception qu'il a de l'église évangélique, là, c'est que les gens qui vont là ben, ils ont des comptes à rendre. Puis moi, je ne veux pas avoir de compte à rendre. Ce n'est pas une question d'avoir des comptes à rendre. C'est une question de trouver des vis-à-vis, des gens avec qui on rentre en conversation et des gens qui peuvent m'aider à me remettre en question sur ma foi, sur mes valeurs, sur ma conduite, mon comportement, etc. Je dirais aussi que la communauté, un peu comme les groupes hein, AA, des groupes de soutien. Il y avait un article qui avait apparu dans la presse il y a quelques années qui posait la question à savoir si les groupes de soutien, hein, parce qu'il y en a de toutes les sortes maintenant, là, hein, ça peut être pour l'obésité, ça peut être pour la dépendance, etc. Puis dans la presse, il posait la question à savoir si ces groupes de soutien de toutes sortes étaient en train de remplacer ou tout au moins remplir le rôle de l'Église. Est-ce que ces groupes de soutien sont en train de remplacer ou de remplir le rôle que l'Église devrait remplir, d'être un soutien? On devrait être un soutien des uns pour les autres, se soutenir des uns des autres dans notre parcours de foi, notre cheminement. C'est pourquoi que je parle d'accompagnement, même par rapport à mon rôle. que je dis, ben, je vous accompagne. Que chacun de nous, on devrait s'accompagner. On s'accompagne mutuellement. Alors, la communauté chrétienne est une communauté d'accompagnement. Puis, j'ajouterais que le silence est parfois un bon accompagnement. Je pense à ce texte de Sophonie, où est-ce que Dieu va dire, hein? En fait, c'est Sophonie qui dit de Dieu, « Il gardera le silence dans son amour. » J'aime ça. « Il gardera le silence dans son amour. » Le silence est parfois accompagnement. J'ai appris avec le temps. Ça a pris du temps. Mais j'ai appris avec le temps de garder le silence. Ou d'écouter plus que je parle. De me taire. Surtout de ne pas avoir une réponse à tout. Quelqu'un, mercredi, a posé une question lors de l'étude. Et puis, je lui ai dit, je préfère ne pas te répondre maintenant. Pas maintenant. On n'a pas toujours une réponse à tout. Il y a parfois, si on change, j'aurais pu donner une réponse d'il y a 20 ans. Mais je ne vais pas lui donner une réponse d'il y a 20 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans. Je vais donner une réponse dans le contexte de ce que nous vivons maintenant. On va terminer. Je dirais s'associer et fréquenter un groupe de croyants. C'est d'être Bartimée qui se met sur la route où Jésus passe. J'aime ce texte où il est dit que Bartimée, sachant que Jésus passait, sachant que Jésus était là, il s'est mis sur la route où Jésus passait afin d'être vu, afin d'être rencontré. Mais je dirais fréquenter une communauté, appartenir à une communauté chrétienne. Et quand vous parlez à des gens qui ne voient pas le besoin de fréquenter une communauté chrétienne, mais peut-être vous pouvez leur partager ça. Que un des bienfaits de la communauté, c'est de se mettre sur le chemin où Jésus passe. Jésus passe parmi nous ce matin. Hein? Là, si on se rassemble, on échange, il y a une conversation, Jésus passe. Alors, on se met sur la route d'une rencontre avec Jésus.